quelques nouvelles d'elle, de là où elle vit. Quelques nouvelles pêle-mêle de ses jours, de ses nuits. Dans son île sous le soleil, quelques mondes et marais. Quelques moments de ses silences, de ses confidences. Quelques instants à côté d'elle, instants éternels. Et moi j'espère ses appels. Quelques nouvelles d'elle, de là où elle vit. Quelques nouvelles pêle-mêle de ses jours, de ses nuits. Et a repeint ma vie en bleu, de ce même bleu que le bleu de ses yeux, et de son île sous le soleil.